Chapitre 19. Visite à deux autres rôles. Les soirées dans les steppes. Entretien avec les Gelung. Promenade à dos de chameau. Départ du Rourul. Pour séjourner chez les Kalmouks, il ne faut pas être sybarite. On s'habitue parmi eux à se priver d'une foule d'objets. Ainsi, toute espèce de linge et bien d'autres choses indispensables sont des futilités qu'il ne faut pas avoir la prétention d'y trouver. Quand on a le désir de s'initier aux mœurs étrangères, on doit savoir s'arranger selon les circonstances. La sollicitude de la Noyon m'avait d'ailleurs pourvu de tout ce dont je pouvais avoir besoin. Comme j'avais logé chez elle à Sarepta, avant notre départ pour les steppes, elle avait étudié avec une attention minutieuse ce qu'il fallait à mon confort. Et, à ma grande satisfaction, je trouvais sous ma kibitka tout ce dont la privation m'eût été sensible. Si les séminaristes me regardaient avec étonnement, leur surprise fut plus grande encore à la vue de mon nécessaire de toilette, objet qui leur était complètement inconnu. Leur curiosité fut vivement piquée quand je les priai de m'apporter de l'eau, car ils n'ont pas l'habitude de se laver. Et j'eus une peine infinie à les faire sortir de ma tente au moment où je m'apprêtais à m'en servir. Comme je m'intéressais vivement à tout ce que je voyais, la Noyon me donna les moyens de me renseigner en détail et il m'était permis de l'accompagner partout. Elle fit journellement sa visite au lama et recevait aussi tous les jours les Gelung, dont les plus intimes, causaient, fumaient, prenaient le thé gaiement avec elle et ne refusaient ni la vodka, ni le vin, etc., etc. Après avoir passé toute une semaine au Rourul principal, nous allâmes en visiter deux autres moins peuplés et organisés de la même manière. Nous nous y rendîmes dans notre véhicule et nous passâmes une journée dans chacun. Les mêmes cérémonies s'y répétèrent. Offrandes, prières, repas et robes d'honneur. Note, en souvenir de ma visite, la Noyon m'offrit un de ses vêtements. Fin de note. Chaque couvent possède ses instruments de musique avec plus ou moins d'exécutants selon son importance. Toutes les guerres sont uniformément ornées de l'autel avec les idoles dans leur châsse. Ces idoles sont ordinairement en nombre inégal, 3, 5 ou 7. Partout, la Noyon portait son offrande et se prosternait à l'entrée sur le sol de la manière décrite déjà. Dans quelques guerres, on lui offrit la pipe d'honneur, comme chez le lama, et elle fumait aussi résolument que le fumeur le plus endurci. C'est un usage presque général chez les femmes kalmouks. Chaque établissement a son supérieur, lequel est traité avec déférence par la Noyon. À son entrée ou à sa sortie, elle se lève et tous les assistants font de même. Je remarquai dans ses roules qu'aussitôt les formules religieuses et les prières terminées, les moines paraissaient tout joyeux et dispos. Peut-être en raison de l'éloignement du grand prêtre, il régnait dans ses séminaires moins d'austérité que là où il réside. Mon apparition cette fois causa une plus grande stupeur encore qu'au Rourul principal. Il fallut les réprimandes sévères de la Noyon pour empêcher les Gelung et novices de tout âge de s'emparer de mon chapeau, de palper mes habits qu'ils voyaient pour la première fois. Cet instinct de curiosité se modéra et ils se bornèrent à me regarder de loin. Ils obéirent même à ma défense d'approcher lorsque, me sentant prise des tiraillements de la faim, j'allais faire cuire à ma guise une côtelette, ne pouvant me décider à partager le repas de la Noyon préparé par les mains dégoûtantes du séminariste, son cuisinier. Cette côtelette grillée sur les braises de fumier ne fut pas la plus mauvaise que je mangeai pendant mon curieux voyage. Je dois ajouter que sans un rhume dont je souffrais depuis quelques jours déjà, je n'aurais pu supporter l'odeur que le combustible employé avait nécessairement communiqué à mon déjeuner. Un guéloum m'offrit obligeamment le secours de ses lumières pour me débarrasser de ce bienheureux rhume. Car les guéloums s'occupent de médecine, comme on l'a vu plus haut. En récompense d'une guérison, due le plus souvent à la nature, on leur offre des peaux d'agneau tirées du sein des brebis qu'on tue à cette intention. Ces peaux ressemblent à du satin noir, uni, très épais. Les guélungs en garnissent les bords de leur chapeau jaune. Après ces excursions au Roroul voisin, nous revenions vers la fin du jour au monastère principal où nous trouvions le souper préparé. Dans les steppes, les soirées ont un grand charme. Le calme de cette immensité rassérène l'esprit, tranquillise l'imagination surexcitée et inspire de grandes pensées. Rien n'en troublait le profond silence, si ce n'était parfois un son strident ressemblant à un cri se perdant dans le vide. C'était la trompe d'appel à la prière ou au repas du soir. Note : lorsque le bouddhisme se répandit et qu'il se forma des monastères d'hommes et de femmes, les reclus ne pouvaient prendre de repas qu'une fois par jour, entre 6h du matin et midi. Cet usage ne s'est pas conservé. Fin de note. Plusieurs moines ont appris des Russes leur langue, des frères moraves à Sarepta, quelque peu d'allemand. Je leur dois les renseignements sur les usages et sur les mœurs des lamaïtes qui sont en rapport avec les dogmes du bouddhisme. Je me suis fait un devoir de les transcrire tels qu'ils m'ont été donnés. Les commandements auxquels ils s'engagent à se soumettre sont rigoureux, mais comme on l'a vu déjà, ils ne les suivent pas à la lettre. Ces lois défendent le meurtre, le vol, le mensonge, la danse, le chant, la musique, excepté la musique religieuse. L'usage des liqueurs fortes, des parfums, des ornements des lits, des sièges, etc. La possession de monnaie ou de tout autre objet de valeur. Elles ordonnent le célibat et la chasteté, comme le jeûne après l'heure de midi. Jusqu'à quel point ces 10 commandements sont-ils suivis? C'est ce qu'il serait difficile de préciser. Au premier abord, il semble que les lamaïtes ne vivent pas dans un état de pauvreté extrême. S'ils ne possèdent pas de troupeaux, les plus gros moutons et les meilleurs vivres leur sont offerts. Donc, ici comme ailleurs, les moines ne sont pas les moins bien partagés. Ils n'ont pas l'air non plus de se préoccuper, outre mesure, de l'anéantissement de leur être moral en vivant dans une impassibilité et une indifférence complète. Ils font songer à la maxime bien connue « Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. » Qui visite une contrée désire en voir les curiosités. Une excursion à dos de chameau dans les steppes me parut une promenade nécessaire à cet effet. Mais il faut être aguerri contre le mal de mer pour oser affronter un semblable exercice car on est balancé entre les bosses de la bête, tout autant que dans un canot. Pour en retirer quelques profits, je saisis l'occasion de me joindre à une caravane qui vint à passer devant le Roroul. Je pouvais assister ainsi au déménagement et à l'emménagement d'une kibitka, ce qui était surtout une nouveauté intéressante. Le soin en est ordinairement dévolu aux femmes, bien que cette besogne soit plutôt celle des hommes. Plusieurs familles se mettent ensemble pour déménager, et ce sont les femmes et les enfants qui déchargent les parties de la tente et procèdent au fur et à mesure à l'installation. Un campement est ainsi établi en une heure. avec sa docilité caractéristique, le chameau, ce vaisseau du désert, s'agenouille à l'endroit dont on croirait qu'il a deviné le choix pour la halte. La simplicité des mœurs pastorales des Kalmouks est entretenue et conservée par l'éloignement des centres habités. C'est aussi la cause de leur ignorance des choses qui nous semblent les plus simples. L'entente entre les nomades est remarquable, tandis que leurs frères, plus voisins des villes ou des villages, sont souvent mis par l'autorité en face l'un de l'autre, accusés de délits plus ou moins importants. Faut-il donc, pour être meilleur, vivre loin des centres populeux? Ces jours écoulés dans la solitude des steppes m'avaient initié à une vie inconnue qui m'intéressait vivement. L'hospitalité ne pouvait être plus gracieuse. Les préparatifs du départ me confirmèrent dans la certitude que je n'avais pas été le jouet d'une hallucination et que vraiment j'avais vécu parmi des moines païens. Finalement, le matin, la Noyon fit ses dernières dévotions en visitant encore les 7 guerres sacrées du Rouroul et reçut une fois de plus la bénédiction du lama. Vers le milieu du jour, un repas lui fut servi. Une heure après, tous les membres du séminaire se présentèrent chez elle et restèrent accroupis en silence. On leur offrit une dernière écuelle de koumis qui passa par le scrupuleux nettoyage connu. Ce symbole des aumônes remis à sa place, la Noyon donna le signal du départ en se levant et sortit de sa tente, suivie des vénérables théologiens, des vieux moines et des jeunes séminaristes. Elle s'avança vers notre télègue qui l'attendait et y monta, aussi silencieuse qu'elle en était descendue. Si la clarté du jour montrait bien que c'était là des hommes et non des ombres qui nous entouraient, leur immobilité, leur silence eussent pu encore prêter à la même illusion qu'à notre arrivée. Chacune de nous fit un dernier mouvement pour s'emboîter de son mieux dans la caisse rudimentaire et ce faisant, ma noble compagne laissa tomber le vêtement national qui l'embarrassait, les guélungs ayant disparu. Le chariot s'ébranla et partit. J'embrassai d'un dernier regard jeté derrière moi la plaine où déjà fuyaient une à une les guerres du Rouroul que, probablement, je ne devais jamais plus revoir. La mobilité extrême des scènes qui se présentent en voyage nous porte parfois à douter de leur réalité. Mais le souvenir, bon génie qui se plaît à retracer ces images, fait encore revivre en nous les impressions reçues. Cette vie tranquille des nomades des steppes n'est pas aussi effrayante vue de près que de loin. Ayant peu de besoins, ils connaissent peu de privations. Mais leur existence dans ces plaines pendant l'hiver paraît intolérable pour qui se rend compte de tout ce dont ils manquent. Il est vrai que leur prévention contre les habitations stables est tout aussi grande que celle des populations sédentaires contre la vie nomade. La puérilité d'esprit des Kalmouks, comme leur superstition, touche à l'invraisemblable. Il en était de même de la Noyon, qui se réjouissait des moindres bagatelles et voyait en d'autres les plus tristes et les plus mauvais présages. Quant à moi, je récapitulais dans mon esprit toutes les étranges choses auxquelles j'avais assisté, tout ce que j'avais appris des préceptes de Bouddha, sans avoir eu besoin de me rendre ni aux Indes, ni en Chine, ni dans aucune autre partie lointaine du monde où cette religion est professée par un tiers de l'humanité. Laissant errer ma pensée vers l'Inde centrale où naquit Sakyamuni, j'oubliais pendant le retour que je me trouvais en Russie et que je me dirigeais vers une localité où une croyance bien différente s'est propagée, vers Sarepta, colonie allemande peuplée par la secte des frères moraves. Nous y arrivâmes pendant la nuit. Invitée par la Noyonne, je descendis chez elle. Fin du 19e chapitre.